T'aurais pas un truc à tester, man? Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure? Et t'aurais pas un truc à tester? Putain, c'est même pas 9h et tu viens nous taxer de la dope? Allez, casse-toi, fais pas chier! Crevez! Dis-moi le gros chaud, c'est pas faux. Sur ma mère, on dit pas ce qu'on n'a pas fait. Ici, les bleus descendent en pas feu. Pas de bol, rien sous l'arrêt, donc j'ai pas fui. On connaît le campus, le charbon, le plein phare. On connaît les chasses, les doigts d'honneur en pleine fuite. Le gérant arrive, le sac rempli. Vends tout, gros, y'a pas de poche, t'as rentré. Fais les deux cons, les billets, ça rempile. Elle est tout seul, gros, quand tu pars au trou. Ici, le coup d'envoi démarre à pile. Cagoule, est possible que le marchand trouve. Viens faire un tour bien loin du paradis. Le stun d'alerte, j'crois que les bleus marchands trouvent. J'pense à maman ton rejeta. Quand tu sors, fais ton yébaf, t'arraches tout. Pour l'instant, fais ta neupé, gros, reste calme. On se verra plus tard, tu t'arrasses. J'ai un bon macaille. On vend gros, c'est le monopole. Les junkies, j'manipule sur le tel mini pile. Mon pote, si c'est miné kill, j'vous baisse, j'm'ennuie plus. Chargé, j'ai mis les piles. Pour dire combien finissent par serrer. Ou en cage à taper des bombes par serrer. Donc la police commence par semer. Moi je veux pas les rejoindre, me dis pas c'est rien. Le client se fait baiser, c'est la loi.